bonjour aux amateurs de rock progressif et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, on aura The Rome Project d'Italie, Piero Lunaire, Errata Corrigé, Mad Crayon aussi d'Italie. On va aller du côté de la Suède avec Cross. Et ensuite, la Nouvelle-Zélande avec Pencaro. C'est pas fréquent qu'on a des groupes de rock progressif de la Nouvelle-Zélande. Alors, ça se passe aujourd'hui. Et pour le dernier bloc de l'émission, on aura White Noise d'Angleterre, Keepers of the Earth Peace Music Revolution des États-Unis. Et on va conclure avec Sky Cries Mary. Alors, comme à l'accoutumée, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le quatrième album du groupe italien The Rome Project. Et l'album s'intitule Beaten Path Different Ways. Alors, c'est l'instigation d'un musicien italien multi-instrumentiste du nom de Vincenzo Ricca qui nous propose un album de 13 morceaux, dont 3 nouveautés. Les autres pièces, bien, ce sont des adaptations de pièces déjà enregistrées avec quelques ajouts, notamment du côté de la partie vocale. Alors, je rappelle que Vincenzo Ricca se fait accompagner par des musiciens aguerris. Entre autres, il y a Steve Hackett, qu'on connaît bien pour sa participation dans Genesis. On a David Jackson aussi, le saxophoniste qui œuvrait auparavant au sein de Van de Graaff Generator. On a David Cross, le violoniste de King Crimson. On a aussi Richard Sinclair qu'on a vu avec le groupe Caravan. On a aussi Billy Sherwood, Frank Carducci et Jerry Cotillo qui, lui, œuvre au sein de la formation italienne Oak. Hello, je suis Vincenzo Ricca of the Rome Project d'Italy. Et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de CFOU, les FM des Trois-Rivières. Enjoy! in many ways. Our traits so different roads are making no missteps. And so I came this far to see what's still beyond. And as I stopped to catch my breath, my mind went on. They shall not all die. I built a monument of mighty glory and faith. I left it to the time, heritage of eternity. Outside my destiny, I never thought that God had trivia in store for me. And so I threw the dice from my own point of view. No card could ever tell the goals I have reached for good.

êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le deuxième bloc, j'aimerais faire un petit retour en arrière avant la pause. Eh bien, on a entendu la formation italienne de Rome Project et 5 extraits de leur plus récent album qui s'intitule Beaten Path, Different Ways. Maintenant, on va rester du côté de l'Italie et pour les nostalgiques, on va faire un retour en arrière en 1974 avec le groupe Piero Lunaire. C'est un groupe, dans le fond, qui a enregistré un seul album en 1974, si on oublie celui de 1976, qui, à mon avis, est à oublier. Alors, Piero Lunaire, son album homonyme de 1974, eh bien, j'ai choisi la pièce Sotto ai Ponti. Ensuite, on reste du côté de l'Italie, en 1976, et le groupe Errata Corrige, qui a fait paraître l'album Siegfried il Draghio e altre storie, en plus d'un autre album paru en 1991 du nom de Mappamondo, et c'est de cet album-là que j'ai tiré la pièce The Rime of the Ancient Mariner. Et pour souci de précision, ben, j'aimerais rappeler que le groupe, en 2015, a réédité le premier album de 1976 en version plus moderne. Et on va conclure avec Mad Crayon, qui est aussi un groupe italien. Eux ont 4 albums studio, et celui que je préfère, moi, c'est le troisième, qui s'intitule Preda, et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Il Sovrano dell'Illusione Part 2. Alors, on y va avec Piero Lunaire. Scende la notte a giocare un po' con la nebbia intorno a me. Ed io che son sovrano di mille notti sotto il cielo, io l'universo nella mano. Tu non riesci più a sorridere. Vecchio malato di malinconia. E al mattino io colgo il sole al primo battito ed il fiume riflette il volto di quell'attimo e lo so sotto un ponte morirò. Chiudo i miei occhi all'immensità. Che cosa c'è sopra di me? Vedo l'infinito. Potrei toccarlo con un dito. Il mondo è qui, sono arrivato. Tu non riesci più a sorridere. Vecchio malato di malinconia. E di notte conto le stelle ad una e le vedo correr vicino alla mia luna e lo so. Un ponte sorridere. Se questa mia vita io l'ho scelta, l'ho subita, come chi fa di ogni sua sconfitta un vanto, e questa mia grandezza è vera o solo invidia. Thank you. dei suoi limiti, finché il vento soffierà. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit retour en arrière avec ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'est trois groupes italiens. On a eu Mad Crayon, Errata Corrigé et Pierrot Lunaire. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez avoir le libellé exact des chansons, alors je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Maintenant, on va aller du côté de la Suède avec un groupe quand même assez prolifique. Ils ont 12 albums studio à leur actif. Le groupe s'appelle Cross et ils ont débuté en 1988. Et l'album que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'album Wake Up qui est paru en 2012. Et je vous propose la pièce titre. Et on va aller du côté de la Nouvelle-Zélande avec le groupe metal Pencarrow, qui ont produit un album en 2020 qui s'intitule « Growth in the Absence of Light ». Et la pièce que j'ai choisie, c'est « Twins Paradox ». Alors, on y va tout de suite avec « Cross ». Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, un petit retour avant la pause avec le groupe de la Nouvelle-Zélande, Pen Caro. Et on a entendu la pièce Twins Paradox, tirée de Growth in the Absence of Light. Et ça avait été précédé de la formation suédoise Cross et la pièce Waking Up, tirée de l'album Wake Up Call. Maintenant, on va aller dans le passé, en 1969, avec le groupe White Noise. C'est un groupe qui est constitué de musiciens qui, à l'époque, étaient engagés par la BBC pour créer des jingles pour les émissions. Et ce groupe de musiciens-là, eh bien, ils expérimentaient à l'époque une quantité de nouveaux appareils. Ce sont les précurseurs, à mon avis, de tout ce qui a été comme prog électronique là, dans les années qui ont suivi. Alors, White Noise a enregistré un album qui s'appelle An Electric Storm. Et pour vous, ben, j'ai tiré la pièce The Visitations. On va continuer avec un groupe américain du nom de Keepers of the Earth Peace Music Revolution. Et on va entendre la pièce Blue Moon Lotus. Ça, c'est tiré de l'album The Outer Zone. Alors ça, c'est un groupe qui a quand même une douzaine d'albums à son actif. Et on va conclure avec un groupe assez inconnu, obscur, là, des années 90. Le nom du groupe, c'est Sky Cries Mary. Ils ont 7 albums studio. Et la pièce que j'ai choisie, c'est tirée de l'album This Timeless Turning, paru en 1994. Et la pièce, c'est A Walk of Nothingness. Alors, allons-y avec White Noise. Thank you. Summoning up the power of the light, darling. Thank you.